En 2010, le ministre du Développement allemand a réclamé du budget de développement 14 millions d'euros pour des vaccins contre la grippe porcine en Afrique. Cornelia Füllkrug-Weitzel, présidente de l'association PIM pour le monde, a critiqué cela, disant que c'était dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. Elle trouve problématique que Nibel voit la grippe porcine comme une question prioritaire, seulement parce qu'en Allemagne, il y aurait une surproduction de vaccins.